Je fus ensuite 6 semaines sans recevoir des nouvelles. Grand Dieu, de quelle longueur les jours étaient pour moi! J'allais dès le matin sur le chemin par où les messagers pouvaient venir. Je n'en revenais que le plus tard qu'il m'était possible, et toujours plus affligé que je ne l'étais en partant. Enfin, je vis de loin un homme qui venait de mon côté. Je ne doutais point qu'il ne vînt pour moi, et au lieu de cette impatience que j'avais quelques moments auparavant, je ne sentis plus que de la crainte. Je n'osais m'avancer. Quelque chose me retenait. Cette incertitude qui m'avait semblé si cruelle me paraissait dans ce moment un bien que je craignais de perdre. Je ne me trompais pas. Les lettres que je reçus par cet homme, qui venait effectivement pour moi, m'apprirent que mon père n'avait voulu entendre à aucun accommodement. Et pour mettre le comble à mon infortune, j'appris encore que mon mariage était arrêté avec une fille de la maison de Foix, que la noce devait se faire dans le lieu où j'étais, que mon père viendrait lui-même dans peu de jours pour me préparer à ce qu'il désirait de moi. On juge bien que je ne balançais pas un moment sur le parti que je devais prendre. J'attendis mon père avec assez de tranquillité. C'était même un adoucissement à ma malheureuse situation, d'avoir un sacrifice à faire à Adélaïde. J'étais sûr qu'elle m'était fidèle. Je l'aimais trop pour en douter. Le véritable amour est plein de confiance. D'ailleurs, ma mère, qui avait tant de raisons de me détacher d'elle, ne m'avait jamais rien écrit, qui pût me faire naître le moindre soupçon. Que cette constance d'Adélaïde ajoutait de vivacité à ma passion. Je me trouvais heureux quelquefois que la dureté de mon père me donnât lieu de lui marquer combien elle était aimée. Je passais les 3 jours qui s'écoulèrent jusqu'à l'arrivée de mon père à m'occuper du nouveau sujet que j'allais donner à Adélaïde d'être contente de moi. Cette idée, malgré ma triste situation, remplissait mon cœur d'un sentiment qui approchait presque de la joie. L'entrevue de mon père et de moi fut, de ma part, pleine de respect, mais de beaucoup de froideur, et de la sienne de hauteur et de fierté. « Je vous ai donné le temps, me dit-il, de vous repentir de vos folies, et je viens vous donner le moyen de me les faire oublier. Répondez par votre obéissance à cette marque de ma bonté, et préparez-vous à recevoir, comme vous devez, monsieur, le comte de Foix et mademoiselle de Foix, sa fille, que je vous ai destinée. Le mariage se fera ici. Ils arriveront demain avec votre mère, et je ne les ai devancés que pour donner les ordres nécessaires. « Je suis bien fâché, monsieur, dis-je à mon père, de ne pouvoir faire ce que vous souhaitez. Mais je suis trop honnête homme pour épouser une personne que je ne puis aimer. Je vous prie même de trouver bon que je parte d'ici tout à l'heure. Mademoiselle de Foix, quelque aimable qu'elle puisse être, ne me ferait pas changer de résolution, et l'affront que je lui fais en deviendrait plus sensible pour elle si je l'avais vue. « Non, tu ne la verras point, me répondit-il avec fureur. Tu ne verras même pas le jour, je vais t'enfermer dans un cachot destiné pour ceux qui te ressemblent. Je jure qu'aucune puissance ne sera capable de t'en faire sortir, que tu ne sois rentré dans ton devoir. Je te punirai de toutes les façons dont je puis te punir. Je te priverai de mon bien. Je l'assurerai à mademoiselle de Foix pour lui tenir autant que je le puis les paroles que je lui ai données. » Je fus effectivement conduit dans le fond d'une tour. Le lieu où l'on me mit ne recevait qu'une faible lumière d'une petite fenêtre grillée qui donnait dans une des cours du château. Mon père ordonna qu'on m'apportât à manger 2 fois par jour et qu'on ne me laissât parler à personne. Je passai dans cet état les premiers jours avec assez de tranquillité et même avec une sorte de plaisir. Ce que je venais de faire pour Adélaïde m'occupait tout entier et ne me laissait presque pas sentir les incommodités de ma prison. Mais quand ce sentiment fut moins vif, je me livrai à toute la douleur d'une absence qui pouvait être éternelle. Mes réflexions ajoutaient encore à ma peine. Je craignais qu'Adélaïde ne fût forcée de prendre un engagement. Je la voyais entourée de rivaux empressés à lui plaire. Je n'avais pour moi que mes malheurs. Il est vrai qu'auprès d'Adélaïde, c'était tout à voir. Aussi me reprochais-je le moindre doute, et lui en demandais le pardon comme d'un crime. Ma mère me fit tenir une lettre, où elle m'exhortait à me soumettre à mon père, dont la colère devenait tous les jours plus violente. Elle ajoutait qu'elle en souffrait beaucoup elle-même, que les soins qu'elle s'était donnés pour parvenir à un accommodement l'avaient fait soupçonner d'intelligence avec moi. Je fus très touché des chagrins que je causais à ma mère, mais il me semblait que ce que je souffrais moi-même m'excusait envers elle. Un jour que je rêvais, comme à mon ordinaire, je fus retiré de ma rêverie par un petit bruit qui se fit à ma fenêtre. Je vis tout de suite tomber un papier dans ma chambre. C'était une lettre. Je la décachetai avec un saisissement qui me laissait à peine la liberté de respirer. Mais que devins-je après l'avoir lue? Voici ce qu'elle contenait. Les fureurs de Monsieur de Comminges m'ont instruite de tout ce que je vous dois. Je sais ce que votre générosité m'avait laissé ignorer. Je sais l'affreuse situation où vous êtes, et je n'ai pour vous en tirer qu'un moyen, qui vous rendra peut-être plus malheureux. Mais je le serai aussi bien que vous. Et c'est là ce qui me donne la force de faire ce qu'on exige de moi. On veut, par mon engagement avec un autre, s'assurer que je ne pourrai être à vous. C'est à ce prix que Monsieur de Comminges met votre liberté. Il m'en coûtera peut-être la vie, et sûrement tout mon repos. N'importe, j'y suis résolu. Vos malheurs, votre prison, sont aujourd'hui tout ce que je vois. Je serai marié dans peu de jours au marquis de Benavides. Ce que je connais de son caractère m'annonce tout ce que j'aurai à souffrir. Mais je vous dois du moins cette espèce de fidélité, de ne trouver que des peines dans l'engagement que je vais prendre. Vous, au contraire, tâchez d'être heureux. Votre bonheur ferait ma consolation. Je sens que je ne devrais point vous dire tout ce que je vous dis. Si j'étais véritablement généreuse, je vous laisserais ignorer la part que vous avez à mon mariage. Je me laisserais soupçonner d'inconstance. J'en avais formé le dessein. Je n'ai pu l'exécuter. J'ai besoin, dans la triste situation où je suis, de penser que du moins mon souvenir ne vous sera pas odieux. Et hélas, il ne me sera pas bientôt permis de conserver le vôtre. Il faudra vous oublier. Il faudra du moins y faire mes efforts. Voilà de toutes mes peines celles que je sens le plus. Vous les augmenterez encore si vous n'évitez avec soin les occasions de me voir et de me parler. Songez que vous me devez cette marque d'estime, et songez combien cette estime m'est chère, puisque de tous les sentiments que vous aviez pour moi, c'est le seul qui me soit permis de vous demander. Je ne lus cette fatale lettre que jusqu'à ces mots « On veut, par mon engagement avec un autre, s'assurer que je ne pourrai être à vous ». La douleur dont ces paroles me pénétrèrent ne me permit pas d'aller plus loin. Je me laissai tomber sur un matelas qui composait tout mon lit. J'y demeurai plusieurs heures sans aucun sentiment, et j'y serais peut-être mort sans le secours de celui qui avait soin de m'apporter à manger. S'il avait été effrayé de l'état où il me trouvait, il le fut bien davantage, de l'excès de mon désespoir, dès que j'eus repris la connaissance. Cette lettre, que j'avais toujours tenue pendant ma faiblesse, et que j'avais enfin achevé de lire, était baignée de mes larmes, et je disais des choses qui faisaient craindre pour ma raison. Cet homme, qui jusque-là avait été inaccessible à la pitié, ne put alors se défendre d'en avoir. Il condamna le procédé de mon père. Il se reprocha d'avoir exécuté ses ordres. Il m'en demanda pardon. Son repentir me fit naître la pensée de lui proposer de me laisser sortir seulement pour 8 jours, lui promettant qu'au bout de ce temps-là, je viendrais me remettre entre ses mains. J'ajoutai tout ce que je crus capable de le déterminer. Attendri par mon état, excité par son intérêt et par la crainte que je ne me vengeasse un jour des mauvais traitements que j'avais reçus de lui, il consentit à ce que je voulais, avec la condition qu'il m'accompagnerait. J'aurais voulu me mettre en chemin dans le moment, mais il fallut aller chercher des chevaux, et l'on m'annonça que nous ne pourrions en avoir que pour le lendemain. Mon dessein était d'aller trouver Adélaïde, de lui montrer tout mon désespoir et de mourir à ses pieds, si elle persistait dans ses résolutions. Il fallait, pour exécuter mon projet, arriver avant son funeste mariage, et tous les moments que je différais me paraissaient des siècles. Cette lettre, que j'avais lue et relue, je la lisais encore. Il semblait qu'à force de la lire, j'y trouverais quelque chose de plus. J'examinais la date, je me flattais que le temps pouvait avoir été prolongé. Elle se fait un effort, disais-je, elle saisira tous les prétextes pour différer. Mais puis je me flattais d'une si vaine espérance, reprenais-je. Adélaïde se sacrifie pour ma liberté, elle voudra rater le moment. Hélas, comment a-t-elle pu croire que la liberté sans elle fût un bien pour moi? Je retrouverai partout cette prison dont elle veut me tirer. Elle n'a jamais connu mon cœur, elle a jugé de moi comme des autres hommes. Voilà ce qui me perd. Je suis encore plus malheureux que je ne croyais, puisque je n'ai pas même la consolation de penser que du moins mon amour était connu. Je passai la nuit entière à faire de pareilles plaintes. Le jour parut enfin. Je montai à cheval avec mon conducteur. Nous avions marché une journée sans nous arrêter un moment, quand j'aperçus ma mère dans le chemin, qui venait de notre côté. Elle me reconnut, et après m'avoir montré sa surprise de me trouver là, elle me fit monter dans son carrosse. Je n'osais lui demander le sujet de son voyage. Je craignais tout dans la situation où j'étais, et ma crainte était que trop bien fondée. « Je venais, mon fils, me dit-elle, vous tirer moi-même de prison. Votre père y a consenti. »« Ah, m'écriai-je, Adélaïde est mariée. » Ma mère ne me répondit que par son silence. Mon malheur, qui était sans remède, se présenta à moi dans toute son horreur. Je tombai dans une espèce de stupidité, et à force de douleur, il me semblait que je n'en sentais aucune. Cependant, mon corps se ressentit bientôt de l'état de mon esprit. Le frisson me prit, que nous étions encore en carrosse. Ma mère me fit mettre au lit. Je fus 2 jours sans parler et sans vouloir prendre aucune nourriture. La fièvre augmenta, et on commença le 3e à désespérer de ma vie. Ma mère, qui ne me quittait point, était dans une affliction inconcevable. Ses larmes, ses prières et le nom d'Adélaïde qu'elle employait me firent enfin résoudre à vivre. Après 15 jours de la fièvre la plus violente, je commençais à être un peu mieux. La première chose que je fis fut de chercher la lettre d'Adélaïde. Ma mère, qui me l'avait ôtée, me vit dans une si grande affliction qu'elle fut obligée de me la rendre. Je la mis dans une bourse qui était sur mon cœur et où j'avais déjà mis son portrait. Je l'en retirai pour la lire toutes les fois que j'étais seul. Ma mère, dont le caractère était tendre, s'affligeait avec moi. Elle craignait d'ailleurs qu'il fallait céder à ma tristesse et laisser autant le soin de me guérir. Elle souffrait que je lui parlasse d'Adélaïde. Elle m'en parlait quelquefois, et comme elle s'était aperçue que la seule chose qui me donnait de la consolation était l'idée d'être aimée, elle me conta qu'elle-même avait déterminé Adélaïde à se marier. « Je vous demande pardon, mon fils, me dit-elle, du mal que je vous ai fait. Je ne croyais pas que vous y fussiez si sensible. Votre prison me faisait tout craindre pour votre santé, et même pour votre vie. Je connaissais d'ailleurs l'humeur inflexible de votre père, qui ne vous rendrait jamais la liberté, tant qu'il craindrait que vous puissiez épouser mademoiselle de Lussan. Je me résolus de parler à cette généreuse fille. Je lui fis part de mes craintes. Elle les partagea. Elle les sentit peut-être encore plus vivement que moi. Je la vis occupée à chercher les moyens de conclure promptement son mariage. Il y avait longtemps que son père, offensé des procédés de M. de Comminges, la pressait de se marier. Rien n'avait pu l'y déterminer jusque-là. « Sur qui tombera votre choix ?» lui demandai-je. « Il ne m'importe, me répondit-elle. Tout m'est égal, puisque je ne puis être à celui à qui mon cœur s'était destiné. » 2 jours après cette conversation, j'appris que le marquis de Benavides avait été préféré à ses concurrents. Tout le monde en fut étonné. Et je le fus comme les autres. Benavides a une figure désagréable qui le devient encore davantage par son peu d'esprit et par l'extrême bizarrerie de son humeur. J'en craignis les suites pour la pauvre Adélaïde. Je la vis pour lui en parler dans la maison de la comtesse de Guirlande où je l'avais vue. « Je me prépare, me dit-elle, à être très malheureuse, mais il faut me marier. Et depuis que je sais que c'est le seul moyen de délivrer monsieur votre fils, je me reproche tous les moments que je diffère. » Cependant, ce mariage, que je ne fais que pour lui, sera peut-être la plus sensible de ses peines. J'ai voulu du moins lui prouver que par mon choix, que son intérêt était le seul motif qui me déterminait. Plaignez-moi, je suis digne de votre pitié, et je tâcherai de mériter votre estime par la façon dont je vais me conduire avec monsieur de Benavides. Ma mère m'apprit encore que Adélaïde avait su, par mon père même, que j'avais brûlé nos titres. Il ne lui avait reproché publiquement le jour qu'il avait perdu son procès. Elle m'a avoué, me disait ma mère, que ce qui l'avait le plus touché était la générosité que vous aviez eue de lui cacher ce que vous aviez fait pour elle. 2 journées se passaient dans de pareilles conversations, et quoique ma mélancolie fût extrême, elle avait cependant je ne sais quelle douceur inséparable, dans quelque état que l'on soit, de l'assurance d'être aimé. Après 2 mois de séjour dans le lieu où nous étions, ma mère reçut ordre de mon père de retourner auprès de lui. Il n'avait presque pris aucune part à ma maladie. La manière dont il m'avait traité avait éteint en lui tout sentiment pour moi. Ma mère me pressa de partir avec elle, mais je la priai de consentir que je restasse à la campagne, et elle se rendit à mes instances. Je me retrouvai encore seul dans mes bois. Il me passa dès lors dans la tête d'aller habiter quelque solitude, et je l'aurais fait si je n'avais été retenu par l'amitié que j'avais pour ma mère. Il me venait toujours en pensée de tâcher de voir Adélaïde, mais la crainte de lui déplaire m'arrêtait. Après bien des irrésolutions, j'imaginais que je pourrais du moins tenter de la voir sans être vu. Ce dessein arrêté, je me déterminais d'envoyer à Bordeaux pour savoir où elle était un homme qui était à moi depuis mon enfance et qui m'était venu retrouver pendant ma maladie. il avait été à Bagnères avec moi. Il connaissait Adélaïde. Il me dit même qu'il avait des liaisons dans la maison de Benavides. Après lui avoir donné toutes les instructions dont je pus m'aviser, et les lui avoir répétées 1000 fois, je le fis partir. Il apprit en arrivant à Bordeaux que Benavides n'y était plus, qu'il avait emmené sa femme peu de temps après son mariage, dans des terres qu'il avait en Biscaye. Mon homme, qui se nommait Saint-Laurent, me l'écrivit, et me demanda mes ordres. Je lui mandai d'aller en Biscaye sans perdre un moment. Le désir de voir Adélaïde s'était tellement augmenté par l'espérance que j'en avais conçue qu'il ne m'était plus possible d'y résister. Saint-Laurent demeura près de 6 semaines à son voyage. Il revint au bout de ce temps-là. Il me conta qu'après beaucoup de peines et de tentatives inutiles, il avait appris que Benavides avait besoin d'un architecte, qu'il s'était fait présenter sous ce titre et qu'à la faveur de quelques connaissances qu'un de ses oncles qui exerçait ces deux professions lui avait autrefois données, il s'était introduit dans la maison. « Je crois, ajouta-t-il, que Madame de Benavides m'a reconnu. Du moins me suis-je aperçu qu'elle a rougi, la première fois qu'elle m'a vu. » Il me dit ensuite qu'elle menait la vie du monde la plus triste et la plus retirée, que son mari ne la quittait presque jamais, qu'on disait dans la maison qu'il en était très amoureux, quoiqu'il ne lui en donnât d'autre marque que son extrême jalousie, qu'il la portait si loin que son frère n'avait la liberté de voir Madame de Benavides que quand il était présent. Je lui demandai qui était ce frère. Il me répondit que c'était un jeune homme dont on disait autant de bien que l'on disait de mal de Benavides, qu'il paraissait fort attaché à sa belle-sœur. Ce discours ne fit alors nulle impression sur moi. La triste situation de Madame de Benavides et le désir de la voir m'occupaient tout entier. Saint-Laurent m'assura qu'il avait pris toutes les mesures pour m'introduire chez Benavides. « Il a besoin d'un peintre, me dit-il, pour peindre un appartement. Je lui ai promis de lui emmener un. Il faut que ce soit vous. » Il ne fut plus question que de régler notre départ. J'écrivis à ma mère que j'allais passer quelque temps chez un de mes amis, et je pris avec Saint-Laurent le chemin de la Biscaye. Mes questions ne finissaient point sur Madame de Benavides. J'eusse voulu savoir jusqu'aux moindres choses de ce qui la regardait. Saint-Laurent n'était pas en état de me satisfaire. Il ne l'avait vue que très peu. Elle passait les journées dans sa chambre sans autre compagnie que celle d'un chien qu'elle aimait beaucoup. Cet article m'intéressa particulièrement. Ce chien venait de moi. Je me flattais que c'était pour cela qu'il était aimé. Quand on est bien malheureux, on sent toutes ces petites choses qui échappent dans le bonheur. Le cœur dans le besoin qu'il a de consolation n'en laisse perdre aucune. Saint-Laurent me parla encore beaucoup de l'attachement du jeune Benavides pour sa belle-sœur. Il ajouta qu'il calmait souvent les emportements de son frère, et qu'on était persuadé que sans lui, Adélaïde serait encore plus malheureuse. Il m'exhorta aussi à me borner au plaisir de la voir, et à ne faire aucune tentative pour lui parler. « Je ne vous dis point, continua-t-il, que vous exposeriez votre vie si vous étiez découvert. Ce serait un faible motif pour vous retenir, mais vous exposeriez la sienne. C'était un si grand bien pour moi de voir, du moins Adélaïde, que j'étais persuadé de bonne foi que ce bien me suffirait. Aussi me promis-je à moi-même, et promis-je à Saint-Laurent, encore plus de circonspection qu'il n'en exigeait. Nous arrivâmes après plusieurs jours de marche, qui m'avaient paru plusieurs années. Je fus présenté à Benavides, qui me mit aussitôt à l'ouvrage. On me logea avec le prétendu architecte, qui de son côté devait conduire des ouvriers. Il y avait plusieurs jours que mon travail était commencé, sans que j'eusse encore vu Madame de Benavides. Je la vis enfin un soir passer sous les fenêtres de l'appartement où j'étais, pour aller à la promenade. Elle n'avait que son chien avec elle. Elle était négligée. Il y avait dans sa démarche un air de langueur. Il me semblait que ses beaux yeux se promenaient sur tous les objets, sans en regarder aucun. Mon Dieu, que cette vue me causa de troubles. Je restai appuyé sur la fenêtre tant que dura la promenade. Adélaïde ne revint qu'à la nuit. Je ne pouvais plus la distinguer quand elle repassa sous ma fenêtre, mais mon cœur savait que c'était elle. Je la vis la seconde fois dans la chapelle du château. Je me plaçai de façon que je la pusse regarder pendant tout le temps qu'elle y fut, sans être remarquée. Elle ne jeta point les yeux sur moi. J'en devais être bien aise, puisque j'étais sûr que, si j'en étais reconnu, elle m'obligerait à partir. Cependant, je m'en affligeais. Je sortis de cette chapelle avec plus de trouble et d'agitation que je n'y étais entré. Je ne formais pas encore le dessein de me faire connaître, mais je sentais que je n'aurais pas la force de résister à une occasion si elle se présentait. La vue du jeune Benavides me donnait aussi une espèce d'inquiétude. Il venait me voir travailler assez souvent. Il me traitait, malgré la distance qui paraissait être entre lui et moi, avec une familiarité dont j'aurais dû être touché. Je ne l'étais cependant point. Ses agréments et son mérite, que je ne pouvais m'empêcher de voir, retenaient ma reconnaissance. Je craignais en lui un rival. J'apercevais dans toute sa personne une certaine tristesse passionnée, qui ressemblait trop à la mienne, pour ne pas venir de la même cause. Et ce qui acheva de me convaincre, c'est qu'après m'avoir fait plusieurs questions sur ma fortune, « Vous êtes amoureux, me dit-il. La mélancolie où je m'aperçois que vous êtes plongé vient de quelque peine de cœur. Dites-le-moi. Si je puis quelque chose pour vous, je m'y emploierai avec plaisir. Tous les malheureux en général ont droit à ma compassion. Mais il y en a d'une sorte que je plains encore plus que les autres. » Je crois que je remerciais de très mauvaise grâce Dom Gabriel. C'était son nom. Des offres qu'il me faisait. Je n'eus cependant pas la force de lui nier que je fusse amoureux. Mais je lui dis que ma fortune était telle qu'il n'y avait que le temps qui pût y apporter quelque changement. « Puisque vous pouvez en attendre quelqu'un, me dit-il, je connais des gens encore plus à plaindre que vous. » Quand je fus seul, je fis mille réflexions sur la conversation que je venais d'avoir. Je conclus que Dom Gabriel était amoureux et qu'il l'était de sa belle-sœur. Toutes ces démarches que j'examinais avec attention me confirmèrent dans cette opinion. Je le voyais attaché à tous les pas d'Adélaïde, la regarder des mêmes yeux, dont je la regardais moi-même. Je n'étais cependant pas jaloux. Mon estime pour Adélaïde éloignait ce sentiment de mon cœur. Mais pouvais-je m'empêcher de craindre que la vue d'un homme aimable, qui lui rendait des soins, même des services, ne lui fît sentir d'une manière plus fâcheuse encore pour moi que mon amour ne lui avait causé que des peines. J'étais dans cette disposition lorsque je vis entrer dans le lieu où je peignais Adélaïde, menée par Dom Gabriel. « Je ne sais, lui disait-elle, pourquoi vous voulez que je voie les ajustements qu'on fait à cet appartement. Vous savez que je ne suis pas sensible à ces choses-là. »« J'ose espérer, lui dis-je, madame, en la regardant, que si vous daignez jeter les yeux sur ce qui est ici, vous ne vous repentirez pas de votre complaisance. » Adélaïde, frappée de mon son de voix, me reconnut aussitôt. Elle baissa les yeux quelques instants et sortit de la chambre sans me regarder, en disant que l'odeur de la peinture lui faisait mal. Je restai confus, accablé de la plus vive douleur. Adélaïde n'avait pas daigné même jeter un regard sur moi. Elle m'avait refusé jusqu'aux marques de sa colère. « Que lui ai-je fait ? » disais-je. « Il est vrai que je suis venu ici contre ses ordres. Mais si elle m'aimait encore, elle me pardonnerait un crime qui lui prouve l'excès de ma passion. » Je concluais ensuite que, puisqu'Adélaïde ne m'aimait plus, il fallait qu'elle aimât ailleurs. Cette pensée me donna une douleur si vive et si nouvelle que je crus n'être malheureux que de ce moment. Saint-Laurent, qui venait de temps en temps me voir, entra et me trouva dans une agitation qui lui fit peur. « Qu'avez-vous ? » me dit-il. « Que vous est-il arrivé ? » ?»« Je suis perdu, » lui répondis-je. « Adélaïde ne m'aime plus. » « Elle ne m'aime plus, » répétai-je. « Est-ce bien possible ? » ?»« Et lorsque j'avais tort de me plaindre de ma fortune, avant ce cruel moment. Par combien de peines, par combien de tourments, ne raterai-je pas ce bien que j'ai perdu ? Ce bien que je préférais à tout. Ce bien qui, au milieu des plus grands malheurs, remplissait mon cœur d'une si douce joie. Je fus encore longtemps à me plaindre, sans que Saint-Laurent pût tirer de moi la cause de mes plaintes. Il sut enfin ce qui m'était arrivé. « Je ne vois rien, dit-il, dans tout ce que vous me contez, qui doive vous jeter dans le désespoir où vous êtes. Madame de Benavides est sans doute offensée de la démarche que vous avez faite de venir ici. Elle a voulu vous en punir, en vous marquant de l'indifférence. Que savez-vous même si elle n'a point craint de se trahir, si elle vous eût regardé ? Non, non, lui dis-je, on n'est point si maître de soi quand on aime. Le cœur agit seul dans un premier mouvement. Il faut, ajoutai-je, que je la voie. Il faut que je lui reproche son changement. Hélas, après ce qu'elle a fait, devait-elle m'ôter la vie d'une manière si cruelle que ne me laissait-elle dans cette prison ? J'étais heureux, puisque je croyais être aimé. Saint-Laurent, qui craignait que quelqu'un ne me vît dans l'état où j'étais, m'emmena dans la chambre où nous couchions. Je passais la nuit entière à me tourmenter. Je n'avais pas un sentiment qui ne fût aussitôt détruit par un autre. Je condamnais mes soupçons, je les reprenais. Je me trouvais injuste de vouloir qu'Adélaïde conservât une tendresse qui la rendait malheureuse. Je me reprochais dans ces moments de l'aimer plus pour moi que pour elle. « Si je n'en suis plus aimé, disais-je à Saint-Laurent, si elle en aime un autre, qu'importe que je meure. Je veux tâcher de lui parler, mais ce sera seulement pour lui dire un dernier adieu. Elle n'entendra aucun reproche de ma part. Ma douleur, que je ne pourrai lui cacher, elle lui fera pour moi. » Je m'affermis dans cette résolution. Il fut conclu que je partirais aussitôt que je lui aurais parlé. Nous en cherchâmes les moyens. Saint Laurent me dit qu'il fallait prendre le temps que Dom Gabriel irait à la chasse, où il allait assez souvent, et celui où Benavides serait occupé à ses affaires domestiques auxquelles il travaillait certains jours de la semaine. Il me fit promettre que pour ne faire renaître aucun soupçon, je travaillerais comme à mon ordinaire, et que je commencerais à annoncer mon départ prochain. Je me remis donc à mon ouvrage. J'avais presque sans m'en apercevoir quelque espérance qu'Adélaïde viendrait encore dans ce lieu. Tous les bruits que j'entendais me donnaient une émotion que je pouvais à peine soutenir. Je fus dans cette situation plusieurs jours de suite. Il fallut enfin perdre l'espérance de voir Adélaïde de cette façon et chercher un moment où je pusse la trouver seule. Il vint enfin ce moment. Je montais, comme à mon ordinaire, pour aller à mon ouvrage, quand je vis Adélaïde qui entrait dans son appartement. Je ne doutais pas qu'elle ne fût seule. Je savais que Dom Gabriel était sorti dès le matin et j'avais entendu Benavides dans une salle basse parler avec un de ses fermiers. J'entrai dans la chambre avec tant de précipitation qu'Adélaïde ne me vit que quand je fus près d'elle. Elle voulut s'échapper aussitôt qu'elle m'aperçut, mais la retenant par sa robe, « Ne me fuyez pas, lui dis-je, madame. Laissez-moi jouir pour la dernière fois du bonheur de vous voir. Cet instant passé, je ne vous importunerai plus. J'irai loin de vous, mourir de douleur des maux que je vous ai causés et de la perte de votre cœur. Je souhaite que Dom Gabriel, plus fortuné que moi, Adélaïde, que la surprise et le trouble avaient jusque-là empêché de parler, m'arrêta à ces mots, et jetant un regard sur moi. « Quoi, me dit-elle, vous osez me faire des reproches? Vous osez me soupçonner, vous ?» Ce seul mot me précipita à ses pieds. « Non, ma chère Adélaïde, lui dis-je, non, je n'ai aucun soupçon qui vous offense. Pardonnez un discours que mon cœur n'a point avoué. « Je vous pardonne tout, me dit-elle, pourvu que vous partiez tout à l'heure, et que vous ne me voyiez jamais. Songez que c'est pour vous que je suis la plus malheureuse personne du monde. Voulez-vous faire croire que je suis la plus criminelle ?»« Je ferai, lui dis-je, tout ce que vous m'ordonnerez, mais promettez-moi du moins que vous ne me haïrez pas. » Quoiqu'Adélaïde m'eût dit plusieurs fois de me lever, j'étais resté à ses genoux. Ceux qui aiment savent combien cette attitude a de charme. J'y étais encore, quand Benavides ouvrit tout d'un coup la porte de la chambre. Il ne me vit pas plutôt aux genoux de sa femme que venant à elle l'épée à la main. « Tu mourras, perfide » s'écria-t-il. Il l'aurait tué infailliblement si je ne me fusse jeté au-devant d'elle. Je tirai en même temps mon épée. « Je commencerai donc par toi ma vengeance, » dit Benavides, en me donnant un coup qui me blessa à l'épaule. Je n'aimais pas assez la vie pour me défendre, mais je haïssais trop Benavides pour la lui abandonner. D'ailleurs, ce qu'il venait d'entreprendre contre celle de sa femme ne me laissait plus l'usage de la raison. J'allais sur lui, je lui portais un coup qui le fit tomber sans sentiment. Les domestiques que les cris de madame de Benavides avaient attirés entrèrent dans ce moment. Ils me virent retirer mon épée du corps de leur maître. Plusieurs se jetèrent sur moi. Ils me désarmèrent sans que je fisse aucun effort pour me défendre. La vue de madame de Benavides, qui était à terre fondant en larmes auprès de son mari, ne me laissait de sentiment que pour ses douleurs. Je fus traîné dans une chambre où je fus enfermé. C'est là que, livré à moi-même, je vis l'abîme où j'avais plongé madame de Benavides. La mort de son mari, que je croyais alors tuée à ses yeux et tuée par moi, ne pouvait manquer de faire renaître des soupçons contre elle. Quel reproche ne me fis-je point? J'avais causé ses premiers malheurs, et je venais d'y mettre le comble par mon imprudence. Je me représentais l'état où je l'avais laissé, tout le ressentiment dont elle devait être animée contre moi. Elle me devait haïr, je l'avais mérité. La seule espérance qui me resta fut de n'être pas connue. L'idée d'être pris pour un scélérat, qui dans toute autre occasion m'aurait fait frémir, ne m'étonna point, et Adélaïde était pour moi tout l'univers. Cette pensée me donna quelque tranquillité, qui était cependant troublée par l'impatience que j'avais d'être interrogé. Ma porte s'ouvrit au milieu de la nuit. Je fus surpris en voyant entrer Dom Gabriel. « Rassurez-vous, me dit-il en s'approchant, je viens par ordre de madame de Benavides. Elle a eu assez d'estime pour moi pour ne me rien cacher de ce qui vous regarde. Peut-être, ajouta-t-il avec un soupir qu'il ne put retenir, aurait-elle pensé différemment, si elle m'avait bien connu. N'importe, je répondrai à sa confiance. Je vous sauverai et je la sauverai, si je puis. Vous ne me sauverez point, lui dis-je à mon tour. Je dois justifier madame de Benavides et je le ferai aux dépens de mille vies. » Je lui expliquai tout de suite mon projet de ne point me faire connaître. « Ce projet pourrait avoir lieu, me répondit Dom Gabriel, si mon frère était mort, comme je vois que vous le croyez. Mais sa blessure, quoique grande, peut n'être pas mortelle, et le premier signe de vie qu'il a donné a été de faire renfermer madame de Benavides dans son appartement. Vous voyez par là qu'il l'a soupçonnée, et que vous vous perdriez sans la sauver. Sortons, ajouta-t-il, je puis aujourd'hui pour vous ce que je ne pourrai peut-être plus demain. Et que deviendra Madame de Benavides, m'écriai-je. Non, je ne puis me résoudre à me tirer d'un péril où je l'ai mise et à l'y laisser. Je vous ai déjà dit, me répondit Dom Gabriel, que votre présence ne peut que rendre sa condition plus fâcheuse. Eh bien, lui dis-je, je fuirai, puisqu'elle le veut, et que son intérêt le demande. J'espérais, en sacrifiant ma vie, lui donner du moins quelque pitié. Je ne méritais pas cette consolation. Je suis un malheureux indigne de mourir pour elle. Protégez-la, dis-je à Dom Gabriel, vous êtes généreux. Son innocence, son malheur, doivent vous toucher. Vous pouvez juger, me répliqua-t-il, par ce qui m'a échappé, que les intérêts de Madame de Benavides me sont plus chers qu'il ne faudrait pour mon repos. Je ferai tout pour elle. Hélas, ajouta-t-il, je me croirais payé si je pouvais encore penser qu'elle n'a rien aimé. Comment se peut-il que le bonheur d'avoir touché un cœur comme le sien ne vous ait pas suffi? Mais sortons, poursuivit-il, profitons de la nuit. Il me prit par la main, tourna une lanterne sourde et me fit traverser les cours du château. J'étais si plein de rage contre moi-même que par un sentiment de désespéré, j'aurais voulu être encore plus malheureux que je n'étais.